Bonjour à chacun. Je vous revois encore une fois ce matin et nous sommes mardi, le 2 mars. Et chez nous, c'est le soleil. C'est quasiment le printemps qui est arrivé. Je ne sais pas chez vous, mais ici, c'est ça. On voit la neige s'en aller, fondre à vue d'œil. Et on va encore ce matin prendre un temps avec la parole de Dieu. Nous allons commencer par la prière. Notre Père du ciel, on se courbe devant toi et on s'arrête pour regarder ta parole qui est la vie, ta parole qui est la vérité, ta parole qui s'est incarnée, ta parole qui nous libère, ta parole qui nous sanctifie, ta parole qui nous conduit et nous dépendons d'elle pour savoir qui tu es, ce que tu veux, ce que tu as pour plein pour nous. Donc on va s'y arrêter et on va te demander que ton Esprit Saint puisse nous éclairer. Amen. Nous allons prendre le temps de lire, si vous voulez bien, les 5 premiers versets de l'Évangile de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Chaque fois qu'on voit qu'un des auteurs du Nouveau Testament a quelque chose d'important, on dirait de crucial, à nous partager, il parle du commencement de quelque chose, du monde. On voit ça quand Paul veut parler de la femme, du rôle de la femme dans l'Église. On voit ça quand Jésus veut parler du divorce dans Matthieu 19. Il parle du commencement. On voit ça dans l'Épître aux Éphésiens. Quand Paul veut parler à l'Église, il parle d'avant le début du monde. Et plusieurs places dans les Écritures, on nous parle de ce qui s'est passé avant la création du monde. Parce que c'est important pour nous de bien comprendre cela. Et ici, Jean fait la même chose, il va au commencement. On pourrait se poser la question, au commencement de quoi? Au commencement du monde? Au commencement de l'univers? Mais c'est au commencement, je crois, qu'il fait référence ici, au commencement, comme c'est écrit dans Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Toute chose qui a un commencement, c'est parce qu'il n'existait pas avant. Hein? Ce qui a un commencement a déjà été dans un état de non-existence. Dieu n'a pas de commencement. Donc, on ne peut pas dire que Dieu a commencé quelque part. Ici, il dit qu'au commencement du monde, la parole était avec Dieu. Était. On ne va pas méditer quelques secondes. Était. C'est un verbe à l'imparfait. Ça indique un passé. Elle était déjà là. La parole de Dieu était déjà en existence avant le commencement. Si Jésus n'avait pas été là, hein, ou si la parole de Dieu n'avait pas été là, hein, l'auteur a dit au commencement, Dieu a créé la parole, et la parole est venue en existence à ce moment-là. Mais il dit qu'elle était là. Avant le commencement, elle était avec Dieu. Avec nous parle de deux choses, de deux personnes. Tu ne peux pas être avec toi-même, tu es avec quelqu'un d'autre. Ici, la parole était avec Dieu. Donc ils sont deux. Elle était avec Dieu. Donc l'auteur veut faire ressortir que ces deux personnages-là avaient une union, avaient une relation avant le commencement du monde, de l'univers. Elle était avec Dieu et il nous dit, elle était Dieu. Donc, on pourrait traduire si la parole était divine. Donc, tout ce qui est divin est Dieu, tout ce qui est Dieu est divin. Je crois que l'auteur ici nous dit que cette parole-là qui était avec Dieu n'est pas d'un rang inférieur à Dieu, mais elle est d'égal avec Dieu. Elle était avec Dieu. Elle était aussi divine que Dieu. Donc, ça nous dit que cette parole qu'on va voir en s'en allant, parce que l'auteur ne nous dit pas c'est qui ici, mais on va voir avec le temps que cette parole, c'est Jésus. Jésus était avec Dieu, elle était Dieu, elle était égale avec Dieu, elle était là avec Dieu avant le commencement de toute chose. Je me suis posé, pourquoi est-ce qu'il la nomme la parole? Pourquoi est-ce qu'il la nomme la parole? Je vais vous partager, c'est une pensée qui me trotte dans la tête depuis des années. Tout ce que Dieu a dit, quand Dieu parle, quand Dieu s'exprime, on va dire que c'est la parole de Dieu. Dieu a créé le monde par sa parole. Dieu a créé le monde en parlant. Il dit que la lumière fut. Et quand il a dit ça, c'est par sa parole. Et quand Dieu parle, il parle toujours, et je dirais même uniquement par la parole de Dieu. Quand on dit « c'est les paroles de François », je pourrais dire « c'est François ». Parce que mes paroles sont l'expression de mon être, de mes pensées, de mon cœur. Et aussi, la Bible nous dit que l'Esprit Saint, c'est la puissance de Dieu. Donc, l'Esprit Saint, quand Dieu fait quelque chose, il le fait toujours par l'Esprit Saint. C'est sa puissance. Donc, si je pourrais dire ça comme cela, au commencement, Dieu décide de faire le monde, il va parler par sa parole et il va le faire par l'Esprit Saint. Donc les trois sont Dieu, sont égales, sont pareils. Je reviens à mon texte. Et il dit quoi ensuite? Tout ce qui a été fait par elle. Tout ce qui a été fait, tout ce qu'on peut s'imaginer, tout ce que vous pouvez voir, même si aujourd'hui ça nous prend des télescopes infiniment puissants, pour voir la grandeur de l'univers, ici l'auteur dit « toute chose a été faite par cette parole de Dieu ». Et pour nous amener à comprendre que cette parole est à l'extérieur de toute chose, qu'elle ne fait pas partie de ces toutes choses, il dit « tout ce qui a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, tout ce qui existe, qui a été créé, qui a eu un commencement, a été créé par la parole. C'est fort, ça. Ça nous dit beaucoup au sujet de la parole. ça nous dit que la parole et Dieu, parce qu'il était avec Dieu, étaient avant le commencement. Et ça veut dire que Dieu et la parole sont en dehors de la création, sont au-dessus de la création. Ils n'ont pas été créés, eux. Parce que si Jésus avait été créé, à un moment donné, l'auteur sera obligé de dire que Jésus fait partie des choses créées. Il est obligé de dire que Jésus a créé toutes choses, excepté lui. Lui a été créé par Dieu. Mais l'auteur nous dit ici, tout ce qui a été créé par la parole de Dieu. Donc, ça veut dire que Jésus et Dieu sont en dehors du temps, en dehors de l'espace, en dehors de la matière. Parce qu'avant le commencement, il n'y avait pas de temps qui existait. Il n'y avait pas d'espace. Il n'y avait pas de matière qui existait. C'est dur pour nous d'essayer de comprendre ça. Une place où il n'y a pas de temps, pas d'espace, pas de matière. Mais à partir de ce moment-là, de cet état-là, le temps va commencer au moment où la parole de Dieu va créer. À ce moment-là, l'espace naît, le temps naît et la matière naît. C'est pour ça qu'on peut dire au commencement de l'univers ou du monde. Donc Jésus a créé tout ce que vous pouvez voir, tout ce qui existe, même les anges, même les esprits qu'on ne peut pas voir, ça a été créé parce qu'ils sont des créatures. Ils sont des créatures. Ils ont eu un commencement, eux autres aussi. Il y a un temps qu'il n'existait pas, les anges. Donc, Jésus est en dehors de tout ça. Et c'est marqué, « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Quand on parle « en elle » ici, on ne parle pas de la création, on parle de la parole. C'est elle qui a donné la vie. Mais l'auteur ne veut pas parler de la vie seulement que végétale ou animale ou humaine. Il parle de la vie ici. On va voir, quand on va étudier tout l'évangile de Jean, la vie ici, il parle de la vie éternelle, de la vie spirituelle, de la vie qui nous met en relation avec Dieu. La vie, c'est le contraire de la mort, de la non-présence de Dieu. Et cette vie-là va devenir la lumière des hommes. Sans cette vie-là, nous ne pouvons pas voir Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre Dieu. Nous ne pouvons pas entrer en relation avec Dieu. C'est elle la vie. C'est la parole la vie. Et sans cette vie-là, nous sommes en dehors de Dieu parce que Dieu c'est la vie. Ça nous prend cette sorte de vie-là pour être en relation avec Dieu. C'est pour ça que quand Dieu a dit à Adam et Ève, si tu manges de l'arbre, tu mourras, tu vas sortir de ma présence, tu vas aller en dehors de moi et tu ne seras plus en relation avec moi. Jésus sait c'est la vie et donc étant la vie, il va nous donner la possibilité d'entrer en relation avec la vie. Jésus, c'est la vie. Il va le dire plus loin dans Jean 14, « Je suis la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » C'est notre lumière. Jésus, c'est notre Dieu. Jésus, c'est notre Créateur. Jésus, c'est notre vie. Et Jésus, c'est notre lumière. Si on pouvait avoir le pouvoir d'éteindre cette lumière-là, ce serait seulement que les ténèbres. Et on va voir ça demain, que nous étions ténèbres, nous vivions dans les ténèbres. Ça veut dire que nous étions séparés de cette vie et de cette lumière. Et ce matin, en méditant là-dessus, est-ce qu'on ressent, est-ce que vous ressentez avec moi le privilège que nous avons? Le privilège que nous avons d'avoir cette lumière et cette vie en nous. Quand il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, quand il y a quelque chose que nous voulons savoir par rapport à Dieu, par rapport à l'éternité, par rapport à l'existence de ce monde, il nous faut aller à la lumière. Et cette lumière, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus. Notre Père du ciel, nous sommes heureux ce matin, encore une fois, de nous montrer que notre bien-aimé Sauveur, c'est aussi notre lumière, c'est notre vie, c'est notre Créateur. Comment qu'il est bon ce matin de se rappeler que même si aujourd'hui on se fait dire par plein de personnes et de milliers de façons que nous venons pas de Dieu, on vient du Big Bang, on vient des singes, on vient des extraterrestres, on vient du hasard, on vient des étoiles, on vient de toutes sortes de choses, sans que le monde se rende compte, ça crée une insécurité profonde. Mais le fait de savoir que nous ne sommes pas le fruit du hasard, nous ne sommes pas le fruit d'une explosion, mais le fruit d'un être intelligent, ceci nous rassure, ceci nous fortifie, et ceci nous pousse à t'aimer, à te glorifier. Nous savons d'où nous venons.